et voici mon ami, la Similoutin. Mon ami, la Similoutin. Mon ami, la Similoutin. Mon ami, la Similoutin. Dans le ciel, les étoiles. Quelque part, à New York. À New York, donc. Quel bonheur, mon ami, la Similoutin, d'être enfin à New York, ville de lumière. Wouf! Oh oui, tu as raison, la Similoutin. C'est Paris, la ville de lumière, je me suis encore trompé. Ici, c'est New York, la ville des gratte-ciels, mais... Il fait tout noir, il n'y a même pas de ciel, il n'y a même pas de gratte-ciel, il n'y a que des trains qui roulent. Ouf, ouf. Ah, bravo la Similoutin, tu as trouvé la sortie du métro. Hourra! RL Tribune! RL Tribune! Non, merci, c'est très gentil, mais je n'ai vraiment pas besoin de journal. Au même moment, dans les bas-fonds de New York. Oh, Agui, Agui les bons tuyaux. Quelque chose pour moi? Ouais mec, écoute, c'est ça que tu veux de la drogue, tu veux t'éclater, tu veux planer mec. Alors tu vas voir, tu prends ça, c'est de la spéciale, ça vient juste d'arriver. Et mon bonhomme, tu vas t'éclater, tu vas voir. Salut mec. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est de la drogue spéciale qui va l'obliger à m'aimer. Et ainsi, si toute la population m'aime, je serai président de la République. La République américaine, bien sûr. Mais oui, bien sûr, de la République américaine. Tu me prends pour un cave ou quoi? Non, non, comme ça. À un autre moment, au téléphone. Oui, allô? Allô, Crusty Osis? Oui, lui-même. Et son ami, la Similoutin. On n'a pas le temps pour les similités. C'est grand merguez. Il faut absolument que l'on voit. L'avenir de la patrie est en jeu. Rendez-vous à Central Park, tout de suite. Hourra! Un peu plus tard, à Kensington Square. Les enfants! Oh, bah non! Les enfants! Ça chie dans le ventilo! J'ai hâte d'avoir George Bush, le président, au téléphone! Il est grave! Et qu'il est bon tuyau, cherche à droguer l'ensemble de la population américaine pour qu'ils l'aiment tous! Et ainsi, qu'ils votent tous pour lui aux élections! Il faut faire quelque chose! Car si Aguil est bon tuyau est élu, il deviendra maître du monde et sèvera la discorde sur la planète entière! Mais enfin, on peut pas laisser faire! Ouf. Oui, tu as raison, la Similoutin! Nous allons aller le défier dans son repère! Hourra! Quelques secondes après, pas bien loin. Mais enfin, comment aller dans le repère de Guy les bons tuyaux? Les bas-fonds de New York sont tellement vastes et infestés de vermine, jamais nous ne trouverons! Chez Agui les Montuyaux. Allons-nous enquérir de la véracité de cette information auprès de la conductrice du bus et ainsi nous munir contre quelques dollars d'un titre de transport en règle que nous n'oublierons pas d'oblitérer. Hourra! Bonjour madame, ce bus va bien chez Agui les Montuyaux, cette sale vermine qui veut devenir président des États-Unis? Oui, Agui les Montuyaux, c'est Terminus. Hourra! Tous à bord! Mais dites-moi madame, votre visage ne m'est pas inconnu, ne nous serions-nous pas déjà croisés au début de cet épisode? Herald Tribune! Ah mon dieu, mais vous êtes la femme qui a essayé de me vendre un journal! Je me demande bien ce que vous faites là! Hourra! Guy les bons tuyaux, Terminus! Tout le monde descend, il me reste quelques journaux à l'arrière! Merci madame, pas le temps pour la lecture! Fonçons chez cette vermine de Guy! Le temps d'y aller... Chez Guy les bons tuyaux. Salut les gars, ça fait plaisir de vous voir. Alors mon petit gars, t'aimerais quelque chose pour décoller? Pour faire un bon trip toi et ton chien? J'ai un super truc à te proposer, tu vas voir, c'est deux petites pilules. Et c'est un voyage pour le paradis. Ouf. Oui, ça marche pour les chiens aussi, bien sûr. Ouf. Que risquons-nous, les Similoutins? Nous n'avons qu'à prendre une ou deux de ces petites pilules pour voir ce que ça fait. Ouf. Ouais, c'est ça, deux pilules de verre, vous allez voir. Installez-vous sur le canapé, dans quelques instants, ça va... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Allez, mec, ça que se passe? Alors les mecs, je vous ai bien eu, hein. Alors vous allez voter pour moi, vous aussi. Mais non, enfin, ça n'est pas possible, Guy. Nous sommes citoyens français. Ouf. Damned, mon plan est déjoué. Je suis foutu. Hourra, nous avons gagné, la Similoutin. Alors, C'est un petit peu grâce à moi si vous avez gagné et à mes journaux. Mais enfin, qui êtes-vous, madame ? Je suis l'héroïne. Pendant ce temps-là, la morale. De toute façon, je m'en branle, en fait, je suis Eddie Murphy. Je peux me casser au Benelux quand je veux. Mon ami la similoutin. C'était quand même mieux avant.